cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans le dars précédent, on avait lu hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Et on s'était demandé, est-ce qu'on avait cité l'explication de ce hadith auparavant? Et non, on l'avait cité, page 204 عندي من توم مدري, لكن c'est au début de la risale. On avait cité كلام شيخ بن باز رحمة الله عليه. On répète كلام شيخ بن باز قال رحمه الله ليس الأكل مع الكفار حراما. ليس الأكل مع الكفار حراما. On avait cité هذا الكلام نحن dans le فصل par rapport aux كفار. Est-ce que المؤمن il a le droit de manger avec eux, les invités, إلى آخره. وهنا الشيخ حمود il a recité le hadith après pour montrer أن المؤمن الصالح il doit faire الهجر أهل المعاصي, ne pas se mélanger avec eux. أي في باب الهجر. Et le kalam qu'on a venu, c'était fil kuffar. Donc, mimbabi awla, il est applicable sur ceux qui font des péchés parmi al-mu'minin. Fa qawluhu, laysa al-akl ma'a al-kuffar haraman, idha al-haja ila, na'am, il manque un mot. Idha da'a al-haja ila dhalik. Ay, s'il y a un besoin. Qala, idha da'at al-haja ila dhalik, aw al-maslaha al-shar'iyya. On avait dit que s'il y a une haja ou une maslaha, ça c'est permis. من باب الدعوة أو ربما c'est un proche et le fait de ne pas manger avec lui ça peut faire une fitna, une mafsada akbar ila akhire, ou ça peut être dans un lieu de travail et al-maslaha c'est de manger et bien sûr sans faire de concession sur son din ila akhire, fa hada c'est ahwan. قال لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير السبب شرعي هذا. أما manger sans aucun sabab, بل ربما c'est ce frère qui invite ce kafir ou ce asi ou ce mubtadi, c'est lui qui l'invite alors qu'il n'y a aucune haja, et c'est pas pour din, c'est pas pour da'wa, là c'est pour du copinage, c'est pour hada la yajouz, la yajouz, la yajouz ma al asi, si c'est un asi ربما يؤذيك الى اخره, là si une maslaha min bab al da'wa ou celui qui t'invite et il y a une maslaha de répondre الى اخره, fahada na'am. Et on répète, et on avait déjà cité, s'il y a un munkar dans l'endroit, ou ça te fait du mal à ton din, tu ne réponds pas. Que ce soit un musulman, un bab, ou là, un kafir. Lakin, on parle, c'est mujarrad ta'am. C'est manger, on ne parle pas des autres péchés. Là, il n'y a pas de péché en qadr, c'est que manger. S'il y a une maslaha, et il y a une haja, la baisse. Même avec un kafir. Qala, fata'kul ma'ahum min ghayri sabab shar'iyya ou maslaha shar'iyya. ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن إذا دعت الحاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله فهذا جائز كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. هذا في حق الكافر, فلا شك من باب أولى في حق المسلم العاصي. Vous avez remarqué que ces مسائل تدور كثيرا مع المصالح والمفاسد أي avec الحاجة. قال رحمه الله. On reprend la lecture. وقال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب من لم يسلم على أصحاب النرد. تقدم معنا النرد. C'est un jeu محرم. Ce qu'ils appellent aujourd'hui les dés. كذلك les jeux de dames, les dominos, tous ces jeux. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم النرد. النرد pourquoi c'est haram? لأن c'est le jeu de dés. Et خاصة bien sûr si c'est avec des paris, فلا شك شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع, ou si ça fait perdre le temps et l'insan à cause de ces jeux مثلا il ne fait pas salat à l'heure ou il ne va pas au masjid, فلا شك في تحريم. Même si c'est pas avec des paris et l'insan il fait salat à l'heure, ça l'empêche pas de faire une ibadah, ça reste haram. An-nard. Naam. Jouer avec les dés, l'insan, il ne sait pas sur quel chiffre ça va tomber et ça provoque de la shahna entre lui et celui qui joue. ربما يسنجل كذلك سيدرا بيغ دو طون وكذلك بعض العلماء يذكرون ان السم من مشابهه المجوس الكفار سي بور سا كو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اون بو سيتي دي احاديث دو حديث في هذا لو برومي في صحيح مسلم عن انس او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير في لحم خنزير ودمه celui qui joue avec ce jeu النردشير ياتي كلام الشيخ حمود c'est ce genre de jeu فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه c'est comme s'il a trempé ses mains dans la viande de porc ou dans le sang عيادا بالله تعلمون ان الخنزير il est نجس il est حرام le musulman il a pas à mettre ses mains dedans هكذا c'est jeu. Et le deuxième hadith, في سنن أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد هنا سنص سجو النرد avec des dés قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله الحديث اللي في سنن أبي داود الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلا الصحة donc que ce soit avec des paris ou ça empêche de faire une ibadah ou non, ça reste haram. Lakin là, je sais qu'avec les paris, c'est encore plus grave. Avec ce jeu haram, il fait quelque chose d'autre haram. Et si ça l'empêche de faire une ibadah à l'heure, ou ça le pousse à s'engueuler avec son frère, ou autre, ou à se battre, là, je sais que c'est encore plus grave. قال ثم ساق عن الفضيل بن مسلم عن أبيه قال كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل ومنهم من يعقل إلى نصف النهار وقال وكان الذي يعقل إلى الليل الذين يعاملون بالورق وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها وكان يأمر أن لا يسلموا عليهم هذا ضعيف الشيخ الألباني ضعفه في الأدب المفرد وقال Vous avez le tadaif, quand je dis un tadaif, enfin noter. Ah ben, si vous ne notez pas, vous allez relire et Rabbama tadun que c'est sahih. Tu notes daif. قال وقال أبو داود في كتاب المسائل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أسلم المنقري أو المنقري ينظر ضبط هذا الاسم قال كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم أي ceux qui jouaient avec ce genre de jeu سعيد ابن جبير il leur passait pas السلام وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد فسلم عليهم وهو لا يعلم ثم رجع فقال ردوا علي سلامي Rahmatullah alayhi. Il a passé le salam à Haoula qui jouait avec ce jeu en Nord, avec les jeux de dés, il a akhiré. Et il leur a passé le salam et il n'a pas vu qu'il jouait. Quand il s'est aperçu qu'il jouait, il est revenu et il leur a dit Ruto alayhi salam. Et rendez-moi mon salam. Rahmatullah alayhi. Wa qala aydan haddathana Wahb ibn Wayan, qala haddathana ibn Wahb. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن يزيد بن يوسف أنه سأل يزيد بن أبي حبيب عن الشطرنج الشطرنج c'est un jeu qui est connu كذلك c'est avec des c'est les plaques هكذا une plaque en bois avec des couleurs à l'horizontale en vertical et il faut arriver à un certain niveau إلى آخره tout ça C'est le musulman il doit délaisser. Il n'y a aucune faïda. Et en général, c'est fondé sur des paris. Et en général, c'est fondé sur du batel et ça pousse à perdre son temps. فقال لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم. Tous ces athar, Cheikh Touaydi rahmatullah alayhi, il les a cités pour montrer le comportement à avoir avec ceux qui font des péchés. Et تقدم معنا التفصيل. S'il y a une faïda, et ha'oula rubbama yajhaloun al-hukm, et on peut leur montrer, il y en a à notre époque, il y a des autres jeux haram, بل يا دي جوز انكور بلو غراف. كثير من المسلمين ابتلوا بهذه الالعاب البطاله كي فون سي ان كوز دو بيرت دو طون و دو عداوه انتر المسلمين. كذلك بعضهم يباري عيادا بالله, خاصه على نوتر ايبوك لي باري, لي باري سبورتيف en ligne, ça s'est répandu didden, surtout les dernières années, avec les applications, avec les téléphones, et tout ça, c'est ayyadan billah, c'est haram. Le pari, c'est interdit fait l'islam. Et combien de gens ils se sont endettés à cause de hada? C'est une maladie, c'est une drogue. Fali hada nabi sallallahu alayhi wa sallam nahana, bel Allah subhanahu wa ta'ala nahana ani al maysir. C'est min amali shaytan. Anahnu, le comportement qu'on doit avoir avec haoula, l'époque de ضعف qu'on vit, on leur montre. كذلك les jeux avec les consoles, en général c'est des souwar, et le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit التصوير, et كذلك c'est de la perte de temps, et comme من الناس ils font pas salat à l'heure, بل بعضهم ils font même plus salat à cause de هذه الفتنة. Et le comportement qu'on doit avoir, on l'a déjà cité كثيرا. قلت ومثل اللعابين بالنرد والشطرنج واللعابون في زماننا بالجنجفة والكيرم. Ces jeux, c'est des jeux très répandus, خاصة عند العرب au Moyen-Orient, ils jouent avec ces jeux. فلهذا قال الشيخ حمود اللعابون في زماننا. C'est des jeux, c'est comme les échecs, comme les dames. C'est une plaque en bois avec des couleurs, avec des pions, et chaque jeu il a un mode d'emploi, comment faire, il a akhir. Tout ça, c'est une fitna. C'est d'aucune utilité pour le muslim. قال وما أشبه ذلك مما يلهي ويصد عن ذكر الله. Ça, c'est une des ilal. Pourquoi c'est interdit? لأن c'est من الله. Et l'insan, عيادا بالله, il fait plus de ذكر, il oublie. Bel son cœur, il s'attache à هذا, il veut absolument gagner, il veut absolument avoir le dessus sur son frère. Et ça pousse à la division, ça pousse à se battre, aux insultes. Et نعوذ بالله. قالوا عن الصلاة. Et vous les voyez احيانا dans la rue, dans les cafés. المؤذن في الصلاة. المؤذن اقصد في الاذان. Et c'est bientôt الصلاة. Et tu trouves, ولله الحمد, كثير من المسلمين يمون مجد. Et tu trouves d'autres, ils sont assis au café et ils jouent aux dames, aux dominos et aux échecs. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est الشيطان فقط. قال فلا يسلم عليهم ولا يسلم ايضا على اللاعبين بالكرة لأنها من أعظم ما يلهي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفيها من المفاسد نحو ما في النرد والشطرنج أو أعظم. شيخ حمود رحمة الله عليه لا كلام كثير sur الكرة. الكرة c'est le foot. Dans sa رسالة في تحريم التشبه بالكافرين qu'on essaiera de résumer ensemble inshallah, elle est assez longue, et il a cité plein de points dans lesquels les musulmans, ils ont suivi les kuffars. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans certains sports, que ce soit dans certains comportements, il a akhri. Et ça ressemble à Ar-Risal al-Nafi'a, Masail al-Jahiliya, de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, qu'on essaiera de lire, kadalik bi-idnillahi azza wa jalla. Mais Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il a cité d'autres choses qui n'étaient pas à l'époque de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, comme le foot, etc. فالو فوت قال هنا انه يدي مفاسد en plus que ça écarte du dhikr, que l'insan il fait pas salat à l'heure. Il y a des autres mafasid qui a pas dans al-nard wa shtranj, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez entendu la parole qu'il a eu sur ces jeux. Et le foot, c'est là je sais que c'est achad, bien sûr, quand il y a ces muharramat. Et min al-mafasid مثلا كشف العوره. اما النرد والشطرنج, tu peux être habillé avec un qamis. أما le foot là, كثير من الناس ils jouent avec cette tenue. بل à un certain niveau, pour jouer tu es obligé d'être en short إلى آخر. Et هذا لا يجوز لأن الفخذ من العورة pour l'homme. Et l'homme il a pas le droit de découvrir ses cuisses. كذلك on peut citer les blessures. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim رحمة الله عليه آل الشيخ, il a des fatwa أنه il a interdit le foot, خاصة dans certains cas, à cause des blessures. Dans le domaine professionnel, maintenant, c'est très très grave. Tous les matchs, il y a des blessés. Bardom, c'est des grosses blessures. Pendant 6 mois, il ne peut plus marcher. Bardom, c'est le genou. Bardom. Et hada, c'est haram. Ton corps, il a un haq alayk. ton corps il a un haq alayk et tu n'as pas le droit de faire une chose qui va te pousser à te blesser, khassatan une chose tafiha où il n'y a aucune faïda. Et كذلك, et ça c'est min a'dham al mafasid, al igtirar bi a'da'illah, azza wa jal. Khassatan, on parle toujours le foot professionnel. لماذا لأن المسلمين اغتروا لأن le foot الآن c'est devenu quelque chose de mondial et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala ils s'en servent pour affaiblir les musulmans et tu trouves l'un des enfants à cause de leurs parents la négligence et la akhira leur modèle c'était le footballeur il connaît rien de Nabi alayhi salatu wasalam peut-être son nom et ça s'arrête là certains amma le footballeur il veut son maillot et il veut aller le voir. Il le suit sur internet, dans les réseaux sociaux. Et l'amour de ce footballeur, elle rentre dans son cœur. Dis à cet enfant, là c'est un kafir, tu dois le détester. Si c'est un kafir ce footballeur. Même s'il grandit, si ça s'est rentré dans son cœur, il aura beaucoup de mal. C'est une fitna azim. C'est une fitna azim. Faliyada al-insan yihdar. Amma le foot amateur, entre frères, en s'écartant de toutes ses ma'asi. L'insan, il fait salat à l'heure, il joue avec des frères avec une tenue correcte. Et كذلك, ça reste un jeu. Il y en a le foot. On n'a pas cité comme mafasid, où ça provoque la division. Les malades, il y en a, c'est la même chose avec le nord. On a cité que des mafasides qui ne sont pas cités dans le nord. Amma la division, wa shahna, la haine, la rancœur. Pardon, ils se battent pour un but. Des frères, on parle. On parle pas d'autre que, بعض الكفار لا شك بعض الفساق لا on parle d'ikhwan qui suivent sunna ils se sont déjà battus à cause du foot où ils ne se parlent plus بل بعض طلبة العلم c'est une musiba le musulman il s'écarte de ça s'il joue il joue pour courir ton frère il veut un but offre lui le but et je vis ton frère tu dois lui offrir plus il veut un but fais le marquer 10 buts et après ça va changer quoi c'est un score c'est rien du tout بل بعض العلماء ينصحون أن même ces règles il n'y a pas besoin. Il y a touche, il y a corner, il y a hors-jeu, il y a but. Cours, il y a Akhil Karim, il veut un hors-jeu, offre-lui 10 hors-jeux, il veut une touche, donne-lui, il te la donne. Al-Amr Sah. Et ceux qui jouent pour qu'il y ait un minimum de règles. Là, parce qu'il ne pas, on cite un adhan pour ne pas s'accrocher. Bardoum, il marque un Madri Ash-Hazal. Mais il n'y a rien du tout, il a marqué, tu vas marquer, et après. Certains, c'est du foot amateur, il n'y a rien à gagner, il a Akhil. Et Inch'Allah, on détaillera cette mas'ala. إما dans une kalima, إما on essaiera de lire la risala de Sheikh Hamoud. قال وقال أبو داود أيضا قلت لأحمد أمر بالقوم يتقاذفون القذف c'est les accusations. السب مثلا il l'accuse d'avoir fait zina, il l'accuse de telle chose. وسلم عليهم قال هؤلاء قوم سفهاء والسلام اسم من أسماء الله تعالى. وقال أبو داود أيضا قلت لأحمد أسلم على المخنث قال لا أدري السلام اسم من أسماء الله تعالى ces deux آثار montrent أن السلام le fait de passer السلام كما تقدم dans notre درس précédent السلام c'est من أسماء الله et le fait de dire السلام علي السلام عليكم c'est une kalima عظيمة c'est pour ça que c'est la cause pour qu'on s'aime كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا أو أفشوا السلام بينكم c'est une cause pour s'aimer فلهذا بعض السلف il passait pas السلام à certains qui faisaient des péchés خاصة en public قلت ظاهر هذا كلام شيخ حمود رحمة الله عليه ظاهر هاتين الروايتين كراهة السلام على المخنث وعلى الذين يتقاذفون لأن ترك السلام عليهم فيه تعظيم لأسماء الله تعالى وصيانة لها عن الابتذال نعم كما تقدم سعن مصلحة فلا بأس قال والمخنث هو المؤنث الذي يتشبه بالنساء dans le deuxième أثر ils ont demandé à l'imam Ahmed est-ce qu'on passe le salam au مخنث المخنث c'est un homme qui essaie de ressembler aux femmes يدن بالله et on vit à une époque أنهم الكفار et من تأثر بهم ils veulent pas que هؤلاء soient critiqués ben ils ont des droits ils sont égaux avec les autres عيادا بالله عند السلف هؤلاء c'était من أشر الناس الله سبحانه وتعالى أكرمه أنه سان نوم et هو il essaye de ressembler à une femme عيادا بالله قال ومن هذا الباب حلق اللحى فمن حلق لحيته فهو من المخنثين. ça c'est un نوع من المخنثين. même si c'est pas comme celui عياذ بالله qui a atteint un niveau très grave, بعضهم ils veulent complètement devenir des femmes et ils ont un comportement de femme, عياذ بالله. Le fait de se raser, c'est une partie de la haqiqa. لماذا؟ لأن le fait de ne pas avoir de poils sur la sur le visage, c'est min awsaf an-nisa. C'est min awsaf an-nisa. Amma les hommes un peu qui ont imberbe plutôt, les hommes imberbes qui n'ont pas de poils sur le visage, fa haula, ça reste des hommes. Là, on parle ceux qui enlèvent. Ceux qui enlèvent, c'est très très grave. Et l'imam Ibn Abd al-Barr rahmatoullah alayhi, il a un kalam jamil fi hada, on l'avait cité dans la kalima qu'on avait fait sur la barbe. قال ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. c'est interdit de se raser la barbe et ceux qui le font c'est المخنثون, ceux qui veulent ressembler aux femmes. c'est une belle voix. قال ومن هذا الباب حلق اللحى فمن حلق لحيته فهو من المخنثين لأنه قد رغب عن مشاهبة الرجال. donc avec cette intention. Mais celui qui n'a pas de poil, qui est imberbe, هذا لا شيء عليه. هذا inshallah il est à la khair si il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. C'est pour ça que pour la femme c'est permis. كثير من العلماء ils ont des fatwas et c'est sahih que la femme, si, et ça arrive certaines femmes, si elle a des poils qui poussent sur son menton ou sur ses joues ou au-dessus de ses lèvres, فيجوز لها. يجوز لها كلا لاف. لماذا؟ لأن خلقة المرأة على باز على باسا. donc c'est un عيب في حقها. c'est un défaut et في هذا الحال tu as le droit. la femme elle a le droit. أما الرجل فلا. قال وعدم الشعر في الوجه أو قبل هذا وقال نعم وآثار مشابهة النساء. نعم j'ai manqué quelque chose. on répète. قال لأنه قد رغب عن مشابهة الرجال وآثر مشابهة النساء في نعومة الخدود. الخدود c'est les joues. النعومة c'est la douceur. ça c'est من أوصاف النساء. فلهذا la femme qui a هذا الوصف, pour elle c'est une qualité. si elle a pas le droit de retirer ses poils. قال وعدم الشعر في الوجه وفاعل ذلك لا ينبغي السلام عليه لمجاهرته بالمعصية. Amma, à notre époque, la barbe, c'est devenu une mode. Et tu trouves un kathirun min ar-rijal, ils ont la barbe. Lakin, lil-asaf, celui qui ne suit pas sunnah, et son qasd, c'est pas rid Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une marionnette. Pendant des années, بعض الناس, ils se rasaient la barbe. Et pour eux, c'était synonyme de propreté. Et avoir toujours la barbe bien rasée, c'était mal pendant des années. Vous avez vécu cette époque. Et critiquer ceux qui avaient la barbe. Annahum, ils étaient arriérés. Annahum, c'est sale. Comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour kada? Il a akhiré. Comme ça, mi'na min hada. Donc, quand c'est devenu à la mode il y a quelques années, un footballeur, ou ma'adri, un acteur, il a laissé pousser la barbe, c'est devenu une mode. Un akthar rijal, ils ont la barbe. C'est plus sale. C'est devenu normal. Pourquoi? La mode. Amma, al-muslim, il suit pas la mode. Il suit al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et بعض الرجال الآن ils ont la barbe. pourquoi? parce que c'est une mode. et ils ont des comportements de femmes dans certaines choses. la barbe c'est un signe. فقط. أما الرجولة c'est appliquer son dîn. c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. et la barbe والله الحمد c'est obligatoire pour le musulman. et il y a pas que ça. بعض اليهود بعض النصارى ils ont la barbe. Lakin celui qui laisse la barbe lillah subhanahu wa ta'ala et son intention c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est récompensé. قال وقد روى ابو نعيم في الحلية بإسناد جيد عن زياد بن حدير عن زياد بن حدير قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي طيلسان وشاربي عاف. الشارب c'est la moustache. عاف, il les a poussés, laissés pousser. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. اعفوا اللحى اي laissez pousser vos barbes et taillez-vous les moustaches. c'est ça sunna. cet homme il a laissé pousser ses moustaches. Alors que sunna, c'est de les tailler. Fassalamtu alayhi, il a passé le salam à Umar radiyallahu anhu. فرفع رأسه فنظر إلي ولم يرد علي السلام فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصم عاصما. Donc Umar رضي الله عنه il lui a pas rendu le salam. فقلت له فحدير il est parti voir son fils, le fils Umar عاصم رضي الله عنهم. فقلت له لقد رميت من أمير المؤمنين لقد رميت في من أمير المؤمنين في الرأس. فقال سأكفيك ذلك. Hey, ça lui a fait mal que Omar radiyallahu anhu, il lui a pas répondu. فلقي أباه, hey, عاصم, il a rencontré son père Omar. فقال يا أمير المؤمنين أخوك زيد ابن حدير يسلم عليك فلم ترد عليه السلام. فقال إني قد رأيت عليه طيلسانا ورأيت الشارب عافيا. قال فرجع إلي فأخبرني فانطلقت فقصصت شاربي. هذا سقول زياد بن حدير أنه il s'est taillé les moustaches quand il a entendu que Omar il avait pas apprécié. وكان معي برد شققته فجعلته إزارا ورداء. كذلك il a enlevé le vêtement qui n'était pas طيب. ثم أقبلت إلى عمر رضي الله عنه فسلمت عليه فقال وعليك السلام هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد. الشاهد أن عمر il lui a fait al-hajj, il ne lui a pas rendu salam quand il a vu certaines mukhalafat. واذا كان عمر رضي الله عنه قد هجر زياد بن حدير على اعفائه لشاربه فكذلك ينبغي هجر من حلق لحيته لان كل من الامرين معصيه ظاهره لما فيهما من مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارب واعفاء اللحى. À l'époque de Cheikh Hamoud rahmatullah alayh, cette mode, elle était très, très propagée. À l'époque, il y avait une mode, c'était de se raser la barbe à blanc et de laisser pousser les moustaches. Certains dans les pays arabes, il y avait beaucoup cette mode. C'est une marsia. Se raser la barbe, c'est une marsia. Et laisser pousser sa moustache au lieu de la tailler, là, il y a un mari. Le Nabi sallam n'a pas dit ça. قال ولما فيهما أيضا من التشبه بالمجوس. نعم, le fait de se laisser pousser la moustache. كذلك, بعض الكافرين. Et vous avez déjà vu, Al-Ba'd, ils laissent pousser leur moustache, jiddan. Hatta ça tombe sur leur bouche. Fahada, la yambari. Qala, wa man yahadhu hadhwahum min asnaf al-mushrikin. Naam, il les a cités, Al-Majus, wal-mushrikin, wal-il-asaf, ba'd al-muslimin, tashabbahu biha'ula. Wa qad thabata an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Rawahu l'imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa ghayruhuma, min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. وخبرنا أن cette mode elle est revenue. ما أدري qu'est-ce qu'ils ont vu encore un acteur. C'est redevenu une mode de laisser pousser la moustache et فقط comme dans certains pays يزعمون. Et ça montre هكذا celui qui suit la mode. Ils se contredisent جدا. أما celui qui suit النبي عليه الصلاة والسلام il se contredit pas. Laisser pousser la barbe c'est طيب et c'est من الجمال pour les hommes. كما قالت عائشة رضي الله عنها أن سنوبلسمون pour les hommes là-bas. فالمسلم يدوى faire attention. On a un modèle نحن. Et ce modèle c'est أفضل البشر. C'est le meilleur des hommes. C'est le prophète عليه الصلاة والسلام. On n'a pas besoin de suivre un acteur نجس. ربما c'est un مشرك un كافر. ربما لا يسجد لله سجدة. Se prosterne pas une fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. ربما. Et هذا c'est عجيب أن cet acteur يبغض المسلمين يبغض الإسلام. ربما cet acteur ou ce footballeur il déteste le Nabi عليه الصلاة والسلام. بعضهم il ressemble à des footballeurs et ce footballeur devant eux fait le signe de la croix. Et هم ils sont impressionnés par lui. أو c'est un juif, أو c'est un chrétien, أو مهم c'est pas un musulman. Mais même si c'est un musulman, on le suit pas في معصية الله. Et on n'a pas à être impressionné parce qu'il fait ce sport. Bel c'est fondé que sur du haram. Pas de salat à l'heure, ils sont en short et vous connaissez les méfaits du sport professionnel en général. Wallahu musta'an. Par rapport à la barbe, on avait fait une kalima à l'époque. Wallahi alhamd, on l'a propagé. Et kalam ahl al-ilm, il est connu fi hada. Qal wal hajr ala halq al-lihya awla min al-hajr ala i'fa' al-sharib. Lima fi halq al-lihya min mazid al-tashabbuh bin nisa. Ay, si Omar il a fait le hajr par rapport à la moustache, أنه il l'a pas taillé cet homme, فلا شك أن السغاز et la barbe sont encore plus graves. قال والدخول في عداد المخنثين لماذا لأن السغاز et la barbe en plus d'être haram كذلك c'est une ressemblance aux femmes, et ressembler aux femmes c'est haram. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم بل ressembler aux femmes c'est من الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. Les hommes qui essaient de ressembler aux femmes, فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم. C'est très très grave. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفا حتى يرجع. إن جفا أي هجره. Si il a de la dureté, il ne lui passe pas le salam, il a akhiré à cause d'une marsia qu'il ne veut pas délaisser, il ne commet pas de péché, et on répète sous certaines conditions. قال وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا جفوة من صديق. هذا كلام جميل. Et ça, ça montre que si on laisse هؤلاء sans hajr, sans نصيحة, sans bayan, ففي الحقيقة on les a pas aidés. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ça fait partie de notre دين بل c'est un fondement. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc هذا c'est très très important. Et في الحقيقة في هذا الكلام si on fait pas le hadr on doit conseiller. لأن à notre époque صحيح beaucoup de savants et ensemble كذلك dans notre perse on a montré dans beaucoup de situations Al-Hajr vaut mieux pas l'appliquer à notre époque à cause de la baisse de foi, à cause des faiblesses de l'ignorance et l'akhir, laquelle on n'oublie pas Al-Bayan. Mais pas de Hajr et pas de Bayan. Khasatan on parle quand on peut. Mais quand tu peux pas, tu peux pas. Laquelle quand tu peux, hada c'est matlub. L'essentiel c'est quoi? C'est I'la kalimatillah. Vous avez remarqué que le Hajr c'est pourquoi? C'est pour qu'il délaisse ce péché, c'est pour son bien. Si on ne fait pas le hajj, on lui montre pourquoi, pour qu'il délaisse ce péché, et c'est pour son bien. Mais si on ne fait ni l'un ni l'autre, c'est un manquement. قال ونقل حنبل أيضا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال ليس لمن قارف قارف نباليخ فارق قارف أي أنه يلف ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان معلنا. هنا une autre mas'ala, anna, si cet homme il fait ce péché devant tout le monde, wala yastahi la min Allah wala min ibadihi. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala qala il a pas de hurma, pas de sila. Aïe, on fait pas attention à lui, on lui passe pas le salam ila akhir, yuhjar. Wa qala al-Khallal fi kitab al-Mujanaba Abu Abdullah, aïe l'imam Ahmed, yahjur ahl al-ma'asi wa man qarafa al-a'mal ar-radi'a. أي القبيحة الرديس القبيح des mauvaises choses fumer, boire, zina إلى آخره. أو تعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a vu beaucoup de hasard في هذا. أي أنه délaisse la parole du prophète صلى الله عليه وسلم pour prendre la parole d'un autre. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلقي فيها جلباب الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية وروى عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد أو في زوائد الزهد. الإمام أحمد رحمه الله إلى يكري كتاب الزهد إلى يكري كتاب الزهد sur ce bon comportement الزهد. Son fils, Abdullah, il a écrit Al-Zawa'id. Il a ajouté des hadiths, des athars sur l'original de son père. Son père, c'est Al-Zuhd, et son fils, il a écrit Al-Zawa'id. Il a des ajouts. عن الحسن البصري أنه قال ثلاثة لا غيبة لهم الإمام الخائن وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه والفاسق المعلن فسقه. أما قول هو الإمام الخائن ينظر est-ce que هذا ثابت عن الحسن أن المراد هنا سي الإمام أي السلطان فلا ينبغي هذا لا ينبغي من عقيدة أهل السنة أن الفت دو بارلي سور الإمام خاصة أون بوبليك فهذا سابيت أون كوز دو خروج ومن أصول أهل السنة عدم الخروج على الإمام برا كان أو فاجرا دونك هذا ينظر صحته. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى دونك on a lu ces athars, on n'a pas expliqué les madhal, et on a kalam Cheikh l'Islam, il va détailler qalilan. قال رحمه الله في الفتاوى المصرية من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وأن يهجر. Tu as deux sortes, deux catégories de ceux qui font des ma'asi. Certains, ils se cachent, ou ils ne font pas en public. Et probablement, tu le vois. Il n'y a que toi qui l'as vu. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as d'autres, la yubaloun. Et ils font munkar devant tout le monde. فقال شيخ الإسلام من أظهر المنكر أي cette deuxième catégorie qui font devant tout le monde et ils respectent pas les autres وجب الإنكار عليه وأن يهجر ويذم على ذلك. Donc هؤلاء on est obligé de faire l'inkar لكن مع القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده avec notre main si on peut فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا si on peut, أما si on enlever un munkar ça peut te faire du mal ou ça provoque un mal plus grand, tu fais rien. Tu détestes cette chose avec ton cœur. قال ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. جلباب الحياء. Ils ont comparé الحياء avec un جلباب. هؤلاء il a enlevé le جلباب comme s'il s'est découvert, il a enlevé le جلباب. Pas le voile que la femme elle porte là. جلباب الحياء, la pudeur. أي لا يستحي. بعض الناس لا يستحون. عياذا بالله ils font des choses devant tout le monde. قال فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا بذنبه. أي ceux qui ne font pas devant tout le monde. مستخفيا ils se cachent فإن هذا يستر عليه. هؤلاء si tu connais un de هؤلاء qui font des péchés et ils font pas devant tout le monde, ils se cachent et أنت tu l'as vu. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. Tu le conseilles, ça ne veut pas dire que tu te tais. Tu le conseilles à qui ne t'informe personne. Adalain, tu as vu un musulman, il se cache pour fumer. Montre-lui, ya akhi, kada kada, et tu n'as pas besoin de informer les autres. S'il n'écoute pas, il a akhi, est-ce qu'il lui faut faire le, faut lui faire le hajr? Là, ça revient au dros précédent. S'il y a une maslaha, tu lui fais le hajr, et tu sais qu'il va être touché, il y en a où il te respecte, il a akhi, il fait yuhjar. S'il n'y a pas de maslaha et tu continues à le conseiller, fahada, c'est le matloub, kama taqaddam. قال فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا النصيحة سرا pas devant tout le monde pas devant tout le monde لأنه si se cache في الحقيقة فيه شيء من الخير il a du bien encore contrairement à l'autre donc مثل هؤلاء si se cache أنت tu rentres par هذا الباب et tu lui montres أن الله سبحانه وتعالى il le voit comme on a vu dans le درس précédent الله سبحانه وتعالى c'est le raqib c'est le sami c'est le basir c'est le muhid il te voit. Comme tu t'es caché des gens, enfin, tu lui montres, afdhal min dalik, c'est que tu ressens hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette chose. Enfin, comme un tas, tu veux pas le faire devant les gens, enfin, kadhalik, ne le fais pas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Et bien, idn Allah azzawajal, avec hada al-bab, tu lui montres, yahsul khayran. Qala wa yahjurahu man arafa halahu hatta yatub, wa yuthkar amrahu ala wajhi nasiha. Naam, tout ça. Bien sûr, avec le kalam qu'on a cité auparavant. Et là, bi'idhnillah azza wa jal, on laisse pour le prochain cours. On a bientôt fini hadhihi risala. Le prochain cours, on va finir hadha al-bab. Donc, on va lire le dernier bab, il est assez rapide. Et on a déjà vu beaucoup de choses. Enfin, on a bientôt fini. Bientôt fini, nassallahu subhanahu wa ta'ala, tawfiq, risala tayyiba. Après cette risala, on lira. On continuera Riyad al-Salihin, on lira chapitre al-Tawba. On avait fait ensemble chapitre Bab al-Ikhlas. Inch'Allah, après ce livre, on reprend Riyad al-Salihin, on lit Kitab al-Tawbab al-Tawba. Naktafi bihada, subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.